Ami Facebookien, ami Facebookienne. Check, nouveau son de Cardozo, moi-même véridique. Check ça. Tu connais la gimmick. Si tu connais, on présente le 44. T'en es là. La vie c'est dur, si je suis vulgaire, c'est parce que je vis pas sous les cocotiers. Soit tu gagnes ou tu perds, soit t'as des bulles d'air ou des cloques au pied. Chaque jour est une guerre et je m'efforce de rester du bon côté. Si tu perds, mais tu peux compter sur moi, sur ce que j'ai compté. Catalogué, vu que j'ai la tête du casseur, ça passe de la haine au coup de fou. Depuis que les flics ont des tasers, depuis qu'ils pratiquent le kung fu, sur ton frère et sur ta sœur, le système m'a rendu fou. Et je me lève à 15h et multiplie, multipliant les problèmes pour ton salaire est égal. T'es qu'un esclave, donc prends ton salaire et dégage. Ouais, t'es calme, mec, t'es pas le maître, cousin, l'état de baisse. C'est genre de l'art, mec, ils veulent voir la mec, on t'apprête. Nous sommes trop cons, n'est-ce pas? J'pense que les salades de Chazal sont plus dangereuses que les concombres d'Espagne. Les gens de Dieu finissent au diable. Quand on fait, on peut, un jour la révolution sera mondiale. J'écris pour évacuer, pas simplement quand il pleut. Si je me vide les couilles, autant que la tête, j'aurai la Bible. Et je marche le peuple qui peu à peu s'endort. C'est la génération sexe, micro-ondes et pompes à 200 genres. Ils pourraient évacuer pas simplement quand il pleut. Si je me vidais les couilles autant que la tête, j'aurais la Bible. Et je marche le peuple qui peu à peu s'endort. C'est la génération sexe, micro-ondes et pompes à 200 genres. Yo, c'est le retour du mec que tous avaient cru perdu. Ado, c'était super dur, t'es ma maintenant je l'ai perdu. De K.O. Mike, c'est des principes contre votre mode de merde. Me parle bien, je suis pas ton pote ni ta pauvre mère. J'écris la larme à l'œil et le soupir aux lèvres. Un de mes sourires offerts aux frères vaut bien plus qu'un billet violet. Tellement d'années, le diable a eu une étrange peur. On m'a redonné mon âme, mais depuis même les anges pleurent. La vie tue, mais j'ai passé un pacte avec. J'ai l'habitude des bâtards reviennent entre la poisse et la galère. À la dérive, mais vas-y, donne-moi beaucoup de flouze. Que se transforme de moche déprime en attaque beaucoup de blues. Je vois s'allumer les beaux gosses vides. Les meufs au cul à force de croire en de beaux gosses ivres. Faites place aux prophètes, place aux prophètes. De cas véridiques, nos problèmes deviendront tous des progrès. J'écris pour évacuer, pas simplement quand il pleut. Si je me vidais les couilles autant que la tête, j'aurais la Bible. Et je marche le peuple qui peu à peu s'endort. C'est la génération sexe, micro-ondes et pompes à 200 genres. J'écris pour évacuer, pas simplement quand il pleut. Si je me vidais les couilles autant que la tête, j'aurais la Bible. Et je marche le peuple qui peu à peu s'endort. C'est la génération sexe, micro-ondes et pompes à 200 genres. J'écris pour évacuer, pas simplement quand il pleut. Si je me vidais les couilles autant que la tête, j'aurais la Bible. Et je marche le peuple qui peu à peu s'endort. C'est la génération sexe, micro-ondes et pompes à 200 genres. J'écris pour évacuer, pas simplement quand il pleut. Si je me vidais les couilles autant que la tête, j'aurais la Bible. Et je marche le peuple qui peu à peu s'endort. C'est la génération sexe, micro-ondes et pompes à 200 genres.